This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Le programme revient juste après la pub. À tout de suite.